Les 60, bienvenue sur Radio Guémozo. Dans quelques jours, c'est Noël. Et nous allons bien évidemment, tout au long de l'émission, évoquer cette période de l'année qui est synonyme pour la plupart d'entre nous de joie et de bonheur. 1958-1968, les 60s, au cours de cette décennie, les idoles des années 60 ont chanté Noël tel les Futés Rusés qui ont sorti en décembre 1960 « Que dalle pour Noël ». Voici que revient le joli temps où tous les petits enfants attendent avec impatience le retour du Père Noël. Joyeux Noël à toutes et à tous. Yeah. les 60, bienvenue dans la musique des 60s, bienvenue sur Radio Gémozo. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir, me crie mon désespoir. Pas ce soir. Tombe la neige, tout est blanc de désespoir. Triste certitude, le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude. Pas ce soir, me crie mon désespoir. Salvatore Adamo, Tombe la neige. Outre les chansons de Noël, nous aurons au sommaire de Salut les 60, adaptation contre version originale, nos trois matchs. Nous visiterons le hit parade d'octobre 1964 à l'aide de titres classés dans ce même hit parade. Et notre coin du spécialiste sera consacré à l'un des playboys du rock'n'roll. Nous évoquerons donc la carrière de Vince Taylor. Vous avez décidé de rester en notre compagnie, et bien c'est un très bon choix. Excellent après-midi sur Radio Gémozo. Thank you. série américaine Mission Impossible débute à la télévision française. La Chine se fâche avec l'URSS. Je n'aurai pas le temps. Et le petit livre rouge de Mao Tse-tung sort en France. Même Che Guevara, l'autre idole des jeunes, est mort. Plus vite que le vent. René Magritte, peintre surréaliste, rejoint ses statues inanimées. Le pétulant Dean Martin et la pulpeuse Anne-Margaret jouent Bien joué, ma Thelme. Pendant que le laser le plus puissant du monde brise l'atome. Olé. Sidney Poitier et Rod Steiger survivent dans la chaleur de la nuit. Et pendant ce temps-là, les nouvelles Fiat 125 font des ravages. L'arte povera, l'art pauvre, fait des débuts remarqués. J'écoute un disque de toi, ça fait 2 minutes 30. La loi Neuwirth légalise la pilule. Ça me donne. Et les bidonvilles de la périphérie parisienne. Un petit peu de. Scandalise. C'était l'année 67, c'était France Gall. Noël, c'est la période de l'année où tout à chacun adore faire des cadeaux. Des cadeaux que le Père Noël dépose, bien entendu, au pied du sapin dans la nuit du 24 au 25. En ce mois de décembre de l'année 1961, les Chaussettes Noires ont décidé, d'offrir un cadeau au Père Noël. Et ouais, ils ont décidé de lui offrir une guitare qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Démonstration sur Radio Gémozo. Noël, Noël, Noël. J'ai un cadeau pour le Père Noël, un beau cadeau pour le Père Noël. Ce cadeau-là, c'est moi qui l'ai choisi, et je vous jure que j'y ai mis le prix. Il aura des étoiles, lui aussi, c'est promis. J'ai un cadeau pour le Père Noël, mais lui, il descendra du ciel. Il le verra devant ma cheminée, enveloppé dans le papier de Ré. Jugez de sa surprise, quand il sera ce que

song for me. Then things went wrong for me. Nights are too long for me because I'm losing you. Our love and our devotion were deep as any ocean. Then one day, like the tide, you began to change. Someone is holding you, sharing the lips I knew. I can't believe it's true that I am losing you. Joyeux Noël à toutes et à tous. Salut les 60, la légende en musique sur Radio Gémozo. There she was, just walking down the street singing. Tapping her fingers and shuffling her feet singing. She looked good. Look good, she looked fine. Look fine, she looked good, she looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing, ooh, I did it, dum, did it, dum. Holding my hand just as natural as can be singing, ooh, I did it, dum, did it, dum. We walk on, walk on to my door, my door. We walk on to my door. Single day singing. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing. Well, I'm hers, I'm hers. She's mine, she's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Manfred Mann, Doua Didi, c'est la version originale. L'adaptation, on la doit à Sheila, et que bien sûr tout le monde connaît. Et ça nous donne ceci. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Et Doua Didi, Doua Didam, Dididou. Toute la vie, nous serons toujours des amis. Et Doua Didi, Doua Didam, Dididou. Tous ensemble. Tous ensemble. Même chemin. Quand on se voit, on se tutoie gentiment. Et nous, à Didi, nous, à Didam, Didi. changera jamais. Si l'un de nous quelquefois a des ennuis, on est tous là, on se met tous avec lui. Pas de problème, car si quelqu'un nous plaît bien, tout simplement, on l'adopte, on lui dit bien. En décembre 1967, Dick Rivers reçoit la Croix du Mérite National après avoir composé le Noël des enfants oubliés à la demande du Comité français pour la campagne contre la faim présidée par Maurice Schumann. Dick Rivers a été félicité par Monsieur et Madame de Gaulle pour cette très belle chanson dont les paroles étaient et sont toujours d'actualité. Ce soir pour toi, petit garçon, les arbres sont tous des sapins. Je vois briller dans tes yeux ronds des guirlandes et des serpentins. Ce soir, c'est Noël. Pourtant, tu sais, l'enfant Jésus a fait dans des pays qui de toi sont très loin. Ce soir, c'est Noël. Pourtant, tu sais, l'enfant Jésus a froid pour des enfants que tu ne connais pas. Ferme tes yeux jusqu'à demain. Petit garçon n'a pas sommeil. Papa Noël est en chemin, qui te prépare un beau réveil. Oh, ce soir, c'est Noël. L'enfant Jésus demande un peu de pain dans des pays où des enfants ont faim. Ce soir, c'est Noël. L'enfant Jésus cherche un morceau de bois pour réchauffer les enfants qui ont froid. Tout dort déjà dans la maison quand tu t'éveilleras demain. Tu trouveras, petit garçon, des rêves au pied du grand sapin. Ce soir, c'est Noël. L'enfant Jésus pourtant a du chagrin pour ses enfants qui ont froid, qui ont faim. Ce soir, c'est Noël. Rien n'a changé depuis qu'il nous revint. L'enfant Jésus est-il venu? Radio, Collé Branché avec Gérard, Rock and Twist, le temps des yéyés. Mmh. l'instigateur du rap de Madame Dassault, Jean-Jacques Casanova, 31 ans, est arrêté. Au procès des responsables de la catastrophe du barrage de Malpassé, l'ingénieur du génie rural est mis hors de cause, tandis que Chic Chang, le nouveau titre de Monty, rentre à la 47e place du 8 parade. Jacques Martin, lui, escalade la façade de l'immeuble de la radio rue Bayard, situons le tout. Nous sommes en octobre 1964 et je vous propose de découvrir quelques titres classés dans le hit parade de l'époque. Je reviens de vacances, j'ai rencontré l'amour. J'ai eu beaucoup de chance, chance, en la voyant un bon jour. Elle a les yeux en amande, un kimono fleuri. À tout ce que je demande, demande, savez-vous ce qu'elle dit? C'est tout ce qu'elle dit. Je l'appelle Hirondelle, petite fleur de Shanghai. Je la trouve si belle, belle. Le reste n'est qu'un blague. Je t'aime, je ne parle pas chinois. Pour elle, pas de problème, problème. Elle dit à chaque fois. C'est tout ce qu'elle me dit. C'est tout ce qu'elle me dit et avec elle encore. Oui, c'est tout ce qu'elle dit et avec elle ensemble. Il pleut dans sa maison. Eh oui, en ce mois d'octobre, bien de 64, Daniel Gérard classe ce titre à la 37e place du hit parade. Les Rolling Stones sont annoncés sur la scène de l'Olympia pour un musicorama qui s'annonce torride. Mais quand il fait du soleil, c'est si beau. Dans une drôle de ville qui portait un drôle de nom, vivait une drôle de fille qui avait une drôle de maison. Avec un drôle de trou au milieu d'un drôle de toit, mais le plus drôle de tout, elle chantait une drôle de voix. Ah ah oh oui, il pleut dans ma maison. Ah ah oh oui, il pleut dans ma maison. Ah ah oh oui, quand toutes les filles s'en vont. Mais quand il fait du soleil, c'est si bon. Mais quand il fait du soleil, c'est si bon. Cette drôle de fillette fréquentait un drôle de gars qui fit une drôle de tête quand il vit le drôle de toit. Il prit une drôle d'échelle, se donna un drôle de mal, mais glissa sur une tuile et finit à l'hôpital. Ah ah oh oui, il pleut dans ma maison. Ah ah oh oui, il pleut dans ma maison. Ah ah oh oui, car toutes les tuiles s'en vont. Mais quand il fait du soleil, c'est si bon. Mais quand il fait du soleil, c'est si bon. Le gars

toi ou personne, c'est toi ou ce n'est rien. Je n'attends plus personne, et toi le sais-tu bien? Oui, toi qui m'abandonnes. Facile, tu poursuis ton chemin, allant de ville en ville, sans jamais avoir besoin de quelqu'un. Je n'attends plus personne, depuis que je t'ai vu. Je ne veux plus personne, puisque je t'ai connu. N'attend plus personne. Françoise Hardy, 25e du hit parade. Françoise Hardy et Jean-Marie Perrier, le photographe vedette de Salut les copains, filent toujours une parfaite romance. Et Sylvie Vartan, la blonde fiancée de l'idole des jeunes, classe en ce mois d'octobre 1964 USA son nouveau titre à la 21e place du hit parade. Come on and dance with me. Everybody come and gather around. I got a new dance, well, I got a new sound. I went from the east right to the west, and this is the dance they say it's best in the USA. Well, everybody singing in the USA. Everybody swinging in the USA. Woo! Come on and dance with me. I went from Chicago to old St. Louis, down to Pittsburgh and Waterloo, up to Frisco and then LA, and this is what they say, it's the USA. Everybody singing in the USA. fait normal qu'on retrouve l'idole des jeunes. Au cours d'une permission, le soldat Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday, a fait forte impression en se produisant sur la scène du Golfe de Rouault, accompagné par le nouveau groupe français qui monte, Les Dauphins. En ce mois d'octobre 1964, Johnny est toujours premier avec le Pénitencé et 17e avec Johnny Revient, extrait de l'album Les Rocks les plus terribles. J'ai dû la quitter sans attendre demain. Malgré son amour, elle ne me comprenait pas, car elle était bien trop différente de moi. Elle n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quittée. Du temps que je la vois, elle ne sait qu'à répéter: reviens, Johnny reviens, viens, Johnny reviens, viens, Johnny reviens, reviens, Johnny reviens, viens, ah, reviens vers moi. J'aurais voulu la voir seule avec moi. Elle a mené des copains qui troublaient ma joie. Quand je voulais sortir, elle ne le voulait pas. Si je ne cédais pas, elle pleurait dans mes bras. Elle n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quittée. Si tant que je la vois, elle ne sait que répéter: reviens, Johnny reviens, viens, Johnny reviens, reviens, ah, Johnny reviens, viens, Johnny reviens, viens, reviens vers moi. Elle n'avait plus de chagrin. Je croyais bien qu'elle m'avait enfin oublié, mais il n'en était rien, j'ai pu le constater. Elle n'a pas su comprendre pourquoi je l'ai quittée. Toujours elle ne fait que répéter: ah, reviens, ah, Johnny reviens, viens, ah, Johnny reviens, reviens, Johnny reviens, reviens, Johnny reviens, viens, ah, reviens vers moi. Rock and Twist, la musique des 60s sur Radio Gémozo. Thank you.

Ah, quel dragueur ce Jean Balthazar, et grâce aux paroles et à la chanson de Jacques Dutronc, on a appris donc que Marie-Noël, c'était la fille du Père Noël. Je vous propose d'écouter une autre histoire, mais alors celle-là, un peu plus triste, elle se passe dans le sud de la France, au pays des Santons. Une histoire qui fleure bon la Provence, Hugo Frey, le petit âne gris. Cette histoire que l'on m'a racontée, du fond de ma mémoire, je vais vous la chanter. Elle se passe en Provence, au milieu des moutons, dans le sud de la France, au pays des Santons. Était pleine de brebis et d'agneaux, marchant toujours en tête aux premières lueurs. Pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur. Pour tirer sa charrette, il mettait tout son cœur. Au temps des transhumances, il s'en allait heureux, remontant la Durance, honnête et courageux. Mais un jour de Marseille, des messieurs sont venus. La ferme était bien vieille, alors on l'a vendue. La ferme était bien vieille, alors on l'a vendue. Il resta au village, tout le monde l'aimait bien. Vaillant malgré son âge et malgré son chagrin. Image d'évangile, vivant d'humilité, il se rendait utile auprès du cantonnier. Il se rendait utile auprès du cantonnier. Cette vie honorable, un soir s'est terminée. Dans le fond d'une étable, tout seul il s'est couché. Pauvre bête de somme, il a fermé les yeux. Abandonné des hommes, il est mort sans adieu. Abandonné des hommes, il est mort sans adieu. Cette chanson sans gloire vous racontait la vie, vous racontait l'histoire d'un petit âne gris. Vous pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 place de l'Hôtel de Ville, 88200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. En fermant les yeux, je vois entre les prés et les bois les jolies noces de campagne passer gaiement comme autrefois. Les enfants marchent devant ciel pur et j'entends l'amour traverser les campagnes derrière une troupe d'enfants. J'aimerais tant près de toi être la mariée qu'on voit toute blanche dans la campagne. Le cœur tremblant de mille joies, tous les voisins, les amis viennent contempler le mari que je montre dans la campagne et trouvent que j'ai bien choisi. Main dans la main, nous allons. Cloche sonne ding dong, que c'est joli sur la campagne. La forêt, les noces de campagne. Adaptation contre version originale sur Radio Guémozo. La musique s'écoute en deux versions. Au soleil, un mendiant qui s'en va les pieds nus. Qui ne s'étonne plus. Dans la ville, des murs blancs écrasés de lumière et qui s'arrêtent au bord de la mer. Les enfants qui jouent dans la rue crient tout autour de nous. Les enfants qui jouent dans la rue se moquent bien de nous. Saint-Laurent, les enfants jouent après la version française, la version originale avec Sonny Hunter, Little Man. Eric Saint-Laurent ou Sonny Hunter sur Radio Guémozo, allez faites votre choix. When you stand by my side, then I know I

je mange des gâteaux, j'aurai de beaux cadeaux, des automécaniques et un train électrique à Noël. J'aurai des gâteaux, j'aurai de beaux cadeaux, des automécaniques et un train électrique à Noël. À la cuisine, j'faisais mes devoirs tous les soirs sans faute, mais pas le soir de Noël. De Noël. Enfin, après avoir embrassé maman, dans mon lit, j'm'endors. Je mange des gâteaux, j'aurai de beaux cadeaux, des automécaniques et un train électrique à Noël. À Noël, à Noël, à Noël, Noël, Noël. Brian Maurice Holden, alias Vince Taylor, est né le 14 juillet 1939 dans la banlieue londonienne. À la fin des années 40, sa famille émigre aux États-Unis. Là, il y découvre ce qui va devenir sa vocation, le rock'n'roll. En 1957, il choisit de rentrer en Angleterre, où il pense avoir plus de chances pour s'imposer. Entre 1958 et 1960, il enregistre 4 simples sans grand succès. Cliff Richard et ses fidèles Shadows monopolisant le public anglais, Vince Taylor a frappé l'imaginaire de ses contemporains par son incarnation d'un rock pur, intégral et quasiment mystique. Son arme, un visuel tonitruant axé sur un physique de playboy vêtu de cuir noir roulant. C'est dans le cadre d'un spécial rock anglais à Paris sur la scène de l'Olympia en septembre 1961 qu'il est remarqué par Eddie Barclay. Immédiatement, celui-ci lui fait signer un contrat et sa carrière française commence avec force promotion puisqu'à partir de septembre 61 sont publiés 6 super 45 tours en l'espace de 7 mois plus un 25 cm. Seulement voilà, suite au saccage du Palais des Sports en novembre 1961, la seule annonce du passage de Vince Taylor est pour beaucoup synonyme de violence et nombre de portes se ferment pour lui. Et comme il n'est pas dans les petits papiers de Daniel Filipacchi qui fait et défait les idoles dans sa lutte, les copains, après cette gloire éphémère pour Vince Taylor, eh bien c'est la galère. L'époque des pionniers s'achèvera avec moi, écrit-il dans son autobiographie, mais je ne suis pas prêt de raccrocher. Hélas, l'homme de l'éternel retour a tiré son ultime révérence le mardi 27 août 1991 à Lutry, près de Lausanne, en Suisse, victime d'un cancer des os. Il avait 52 ans.

baby's lips are red, sweet like wine. And when she kisses me, I'm getting high every time she cries. Ooh-wee. I believe I've changed my mind. She said, I'm so glad you're living. I cried, I'm so glad you're mine. Like a fool, treat me mean and cruel, but love me, break my every heart, tear it all apart, but love me. If you ever go, darling, I'll be oh, so lonely. I'll be sad and blue, crying over you, dear only. Oh, I would beg and steal Gérard, c'est vraiment bon. We got the feeling. Ooh, well, I got a gal with a record machine, baby, come she rockin' and she's a queen. She loves to dance on a Saturday night. She's all alone, I can hold her tight. She lives on the 20th floor downtown. The elevator's broken down, so we've been climbing 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 5 more. Up to the 12th and I'm starting to sag. Bed to 15th floor and I'm beginning to drag. Hit to the top and I'm too tired to rock. Now she calling me up on the telephone. She said, make it over, honey, cause I'm all alone. Say, baby, that you're mighty sweet, but I'm in better with a hating fade. This went on for a couple of days. Well, I couldn't stay away, so we've been climbing 1, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 more. Up to the 12th and I'm starting to sag. Baby, the 15th floor and I'm beginning to drag. Hit to the top, I'm too tired to swing. With a record machine, baby, comes she rockin' and she's a queen. She loves to dance on a Saturday night. She's all alone, I can hold her tight. Lives on the 20th floor downtown. The elevator's broken down, so we've been climbing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 more. Up to the 12th and I'm starting to sag. Baby, the 15th floor and I'm beginning to drag. Hit to the top and I'm too tired to rock. Years and I will I make it to the top, honey. I'm too tired to rock real low now. Well, I get to the top, I'm too tired to hang on. Well, I get to the top, I'm too tired to rock. Look out below. Mm-hmm.

souviens d'un beau soir de Noël. Il faisait froid, la nuit était si belle. Et doucement, en s'approchant de moi, le Père Noël m'avait tendu le bras. J'aurais aimé ce soir. De Noël. Vous l'aimez comment, votre bûche de Noël? Au beurre ou glacée? Quant à moi, je la préfère glacée. Vous avez un choix de parfum? Café, vanille ou chocolat? Non, aucune idée? Eh bien, je vous laisse réfléchir en compagnie des surfs. Bien dans tes bras, café vanille ou chocolat, moi je suis si bien dans tes bras, café vanille ou chocolat, moi je suis si bien dans tes bras. Dorsey et Aya Twist, l'orchestre des Champs-Élysées, un point sur l'actualité du moment. De suite, nous allons évoquer l'année 1962. Oh, well, I'm sitting here la la waiting for my ya-ya. Oh, I'm sitting here la la waiting for my ya-ya. It sounds funny, but I don't believe she's coming. Baby, hurry, don't make me worry. Yeah, baby, hurry, don't make me worry. You know that I love you, oh, how I love you. Sitting in la la waiting for my ya-ya. Sitting in la la waiting for my ya-ya. It may sound funny, but I don't believe she's coming out. Le musée d'art moderne de la ville de Paris reconstitue l'atelier du sculpteur Brancusi. Les Parisiens manifestent en masse contre l'OAS et pour la paix en Algérie. Au métro Charonne, beaucoup y laisseront la vie. La France découvre le jour le plus long. Claude François connaît son premier succès avec Belle, Belle, Belle. Wimal dirige Mastroianni et Bardot dans Vie privée. Pour la première fois, les réfrigérateurs deviennent super sophistiqués avec leurs joints magnétiques. Et la première émission de télévision en Mondiovision est retransmise grâce au satellite Telstar. Fernand Reynaud et ses mimiques font rire la France. Écoutez. Les glaces sont désormais vendues non plus en cornet, mais en petits pots grâce à Gelati Motta. Et la lessive se fait sans bouillir grâce à Génie. M de Madison, en partant sur la gauche, en arrière. Les premières voitures japonaises Honda arrivent sur le marché français. Arthur Penn met en scène Miracle en Alabama. Un Mexicain basané. Et Marielle Guelchel gagne, à 16 ans, son premier championnat du monde de ski. Thank you. Joyeux Noël à toutes et à tous. My baby found your place to go. Hangs around town at the club of go-go. Takes all my money for the picture show. But I know she spends at the club of go-go. Let's go, baby! Spots in town. If you take too much though, it's bound to get you down. She's got a boyfriend they call Big Joe. He's a big shot at the club of go-go. Baby! Come on, let's go! Let's go, baby! Yeah! Now they play the blues every day and every night. Everybody monkeys in the field, all right. That there ain't no place like the club of go-go. Let's go, baby! Les Animals, à l'instant, club à gogo, on l'a surnommé entre autres le Tino Rossi du Twist, et comme Tino, Richard Anthony avec C'est à Bethléem a chanté Noël dans les années 60. C'est à Bethléem qu'un jour il est né, le divin enfant. Bethléem, c'est à Bethléem que pour nous sauver, un jour il est né. Pardonnons à tous ceux qui nous veulent du mal, les jaloux, les moqueurs, ça nous est bien égal. À ceux qui ont pensé qu'on allait leur voler un coin du paradis. Bethléem, ce soir promettons de donner toujours un peu plus d'amour. Bethléem, c'est à Bethléem qu'un jour il est né, le divin enfant. Bethléem, c'est à Bethléem que pour nous sauver, un jour il est né. Fêtons-le dans la joie de nos cris et nos chants. Ça fait beaucoup de bruit, mais ce n'est pas méchant. Et d'ailleurs, il le sait, lui qui nous a compris, du haut du paradis. Bethléem, c'est à Bethléem qu'un jour il est né, cet enfant du ciel. Bethléem, c'est à Bethléem que vont nos pensées la nuit de Radio. Pour les brancher avec Gérard, Rock and Twist, le temps des yéyés. Soir, je suis tout seul chez moi, devant le feu de bois, et je revois le cœur serré Noël de l'an dernier. Nous étions la main dans la main devant le grand sapin comme deux enfants. Leur beau jouet. Oh, oh oui, tu étais si jolie. Alors j'ai bien compris que tout simplement on s'aimait à Noël de l'an. Les cloches en notre honneur criaient notre bonheur. Et dans le ciel, les anges bleus ne chantaient que pour nous deux. Le monde entier n'existait plus. Le temps ne comptait plus. Il n'y avait que toi et moi. Et merveilleux de Chaussettes noires Noël de l'an dernier. Des souvenirs, des rêves et quelquefois des larmes. Mais Noël reste pour les petits et les grands un moment de joie, de bonheur inoubliable. Ce n'est qu'un au revoir puisque l'on se retrouve lundi prochain dès 15h sur Radio Gémozo pour terminer cette année ensemble. Salut les 60, joyeux Noël à tous et à toutes.